Écoutez bien les crépitants suivants. Ils sont caractéristiques de bronchiectasie. Ce sont des crépitants inspiratoires nombreux qui prédominent en mi-inspiration, mais peuvent occuper la presque totalité de l'inspiration. Ils s'associent à de nombreux crépitants expiratoires. Écoutez encore ces crépitants de bronchiectasie.